ferai pas de mal à une mouche. Le mot ne sortirait même pas de leur bouche. Mais du mal ils en font d'hier à demain. Chaque jour qui passe laisse crever des humains. Peu importe dans quelles conditions, ce qui compte avant tout c'est de paraître aux yeux des autres, aux yeux d'eux-mêmes, comme étant solides, sains et honnêtes. Ce sont les bourges. Ce sont les bourges. Ces mendiants, de pauvres bougres en quelque sorte, chasser cette vision ou bien fermer les yeux. Ils n'ont que faire de cette mère déjà morte, pleurer l'enfant et accuser les cieux. Cette situation vous en est responsable. La réussite est votre seul argument. Seul contre votre ego, gras et insatiable, prétendez n'être pour rien, c'est votre serment. Ce sont les bourges. Ce sont les bourges. Supporte.